Micro ouvert. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Pour moi, c'était Léopold II en personne. Pas la statue de Léopold II, mais Léopold II. Tellement grand, tellement haut, qui semblait être là pour m'écraser, me dominer. Et puis, pas question de passer devant le cheval. Il fallait passer derrière. C'est comme si, enfin, je me sentais obligé de respirer l'odeur des excréments du cheval de Léopold II. Après l'indépendance, il était encore là. Enfin, c'était une vraie provocation. Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre, là où il devait se trouver. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident, et en particulier au service du roi Léopold II. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belge, n'était pas présent à Berlin. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Bakobete bino macha chez le kola nyama koboma bato ebele ebele ebele ebele bakovanda kanda kote bakovanda ka obele kuna boy na jamba le kola nyama. Maboko hana ukata awa oyo bakata kliboso kokata maboko awa. Bon bitumba oyo ba mindele ba memaka na bino bo bundaki na bangoto ah obu na mindele zo makashi wapi makashi uche pale mindele akautu bazaki penda batu mabe mabe mabe nde mabe mabe luta chiko luta mabe koko tuna jamba boko tuna jamba te boko bika wapi yari kama munene. Bongo wana bazo senga bo memela kabango ka ututa nyoso. Nyoso. Ka ututa mono ki passe mpenza. Un bilan humain, rien ne l'exprime mieux que un adage des gens de l'Équateur. Beto febole iwo, le caoutchouc est la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est deux fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo. C'est aussi le système des compagnies concessionnaires, avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettant sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apportez les preuves de ce que vous dites, les preuves que Léopold II a détruites. C'est remarquable qu'après sa mort, une nouvelle image de Léopold II émerge, et avec elle, une histoire entièrement remodelée. Dans cette nouvelle histoire, qui est patriotique, se trouvent mélangées 3 choses. Le roi Léopold II, devenu l'objet d'un véritable culte national. La Belgique en tant que nation, soudée derrière son roi. Et le Congo, devenu enfin une colonie de la Belgique. Le Congo colonial, économiquement prospère, avec ses Noirs heureux et reconnaissants envers la Belgique, c'est une légende inventée de toutes pièces. Car on a mis au point une stratégie consistant à rendre propre l'argent du Congo, à assimiler les intérêts de la Belgique et ceux du Congo, et surtout à nier le passé, à l'occulter et à le faire oublier. C'était exactement ce que Léopold II avait voulu. Cette stratégie a réussi, a très bien réussi, pendant la colonisation et même après la colonisation. Car il a fallu quelques 100 ans pour que, enfin, remontent à la surface tous les secrets peu reluisants sur la colonisation. Allez, c'est parti. Alors, on se trouve à Machelen. Et en face, on a un monsieur. T'es d'accord que je donne ton nom et ton prénom? Évariste Pini. Et on est sur une terrasse, comme ça, il y a du soleil, on profite du soleil. Bonjour Pini. Moi j'aime bien le Pini, plus qu'Évariste. Oui, moi aussi j'aime bien. Appelle-moi Pini, c'est bon, Pini. Ben bonjour Graziella, je suis content de te revoir après tant d'années. Ben oui, c'est dingue. C'est toujours un plaisir quand on est en face de quelqu'un qu'on connaît, ouais. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que, enfin voilà, Pini, on s'est déjà rencontrés, je ne sais plus, il y a combien d'années, toi tu sais un peu plus, ça fait combien d'années qu'on s'est rencontrés? Je crois 5 ans, je pense bien, 5 années. 5 ans, et alors on avait fait un micro ouvert ensemble, tu étais curé dans les Ardennes, mais où exactement? Ben, c'était dans la commune de Saint-Aude, mais j'habitais dans le village de Thiers. Et je couvrais toute la commune de Saint-Aude. Pour ceux qui ne savent pas, la commune de Saint-Aude, c'est dans la province de Luxembourg belge. Et c'est non loin de la ville de Bastogne, voilà. Entre Bastogne et Saint-Hubert. Et on avait fait un micro ouvert, donc 50 minutes de parole avec toi, Pini, et je me souviens qu'on avait aussi parlé, je ne sais plus de tout ce qu'on a parlé, mais on avait aussi parlé tu es congolais, on oublie de dire, tu es congolais, et qu'on a discuté aussi de tiens, ta culture congolais et tout, et tu es chrétien en fait, c'est ça? Ben, je suis congolais, j'ai été curé de paroisse là-bas dans plusieurs endroits, hein, mais y compris là-bas, à Saint-Aude. 10 ans? Oui, sur ces 10 ans, 10 ans curé dans la commune de Saint-Aude. Oui, tout à fait. Mais avant ça, je suis resté un an à Paris. Et avant ça, tout le temps au Congo, hein. Tout le temps au Congo. Ah ouais, t'es passé du Congo, Paris, Belgique. Voilà. Et comme ça, ça ouvre des horizons. On voit des choses et on rencontre des gens. Ce qui est bien, c'est que tu vois que les hommes, au loin, on croit qu'ils sont différents, mais quand on les rencontre, ils sont pareils, ils sont les mêmes. Hein. Et c'est ça qui est bien. De voir un peu toutes les richesses qu'on rencontre dans les hommes, dans les communautés. Si bien qu'il y a en moi aussi bien du Congolais, que du Belge, que du Français, qu'un peu de tout ça. Et ce qui est bien, quoi. Donc, je suis comme toi, un micro ouvert. Moi aussi, je suis un homme ouvert. Ah ouais, t'es pas un micro ouvert, t'es un homme ouvert, toi. Je suis un homme ouvert. Pas mal. Mais dis-moi, Pini, toi, t'as vécu jusqu'au Congo jusqu'à quel âge? T'as vécu au Congo jusqu'à quel âge, plus précisément? 45 ans, quelque chose comme ça, je pense. Hein, je pense. Et tu en as, t'as quel âge alors, là, maintenant? J'ai 62. Je viens d'avoir 62 ans accomplis. Donc tu débarques ici, en France, quand t'as 45? Oui, je pense. Attends, parce que je suis resté. Maintenant, je suis resté 10 ans, 12 ans. Non, quand même, hein, il ne faut pas exagérer. Donc, j'ai 62, il faut retrancher combien 13 ans. On est dans les 48, 49, je pense. Je ne sais pas, là, si j'ai bonne mémoire. Si je calcule bien, parce que je ne suis pas sûr de mon calcul. Mais ça ne doit pas être loin de là. 13 ans alors en France et en Belgique, quoi. Le tout en total, ça fait 13 ans que tu es par ici. Oui, 13 ans, oui. Voilà, et alors moi, ce que je trouvais incroyable, c'est qu'à l'époque, donc on fait un micro ouvert sur toi, Pini, être curé congolais comme ça dans une paroisse chez les Blancs. Et moi, je parlais à l'époque comme ça. C'est marrant, quoi, qu'un Africain raconte limite l'histoire ou reprend l'histoire des Blancs, parce que tu es chrétien en fait. Tu étais chrétien, comment? Mais alors, je vais aussi préciser, c'est que on se rencontre aussi parce que tu as été viré, moi j'aime bien dire ça comme ça, tu as été viré, licencié de ton métier de curé dans cette paroisse. Tu peux expliquer pourquoi? Et si tu es toujours chrétien d'ailleurs, comment ça se passe dans la tête? Oui, donc il y a beaucoup de questionnements bien entendu par rapport à tout ce que, non seulement que je, pas ce que j'ai connu, plus ce que j'ai lu, ce que j'ai compris. Donc, disons plutôt ça. Ce que j'ai connu, ce n'est pas la première fois qu'on me met à la porte par des évêques. Oui, même au Congo, c'était arrivé. Vous ne savez pas? Ben si, parce que les évêques, ce sont des dieux de Père Tout-Puissant, ils prennent. Moi, je l'appelle des princes de l'impunité, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Il prend la place de Dieu, en fait. Absolument. Donc, c'est ça. Un évêque, c'est un dieu. Il fait ce qu'il veut. À moins d'être hautement humain, ce qui est difficile. Quand on occupe cette fonction-là, il faut quand même rester dans la fonction. Et par rapport à ça, voilà. Donc, à un moment ou à un autre, on est potentat. Hein. Donc, moi, j'ai connu ça très tôt au Congo, l'être comme ça. Explique-nous en quelques lignes qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te fasses alors aussi virer. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là au Congo pour que tu sois viré? Mais au Congo, c'est-à-dire qu'avec quelques autres amis, nous sommes opposés à des agissements inhumains de l'évêque, de notre évêque à l'époque. Inhumain? Ben oui, complètement inhumain parce qu'il était vraiment inhumain. Hein. Il était plein de lui-même, hein, il renvoyait tout le monde, il ridiculisait tout le monde, il n'avait de respect pour personne, sinon que pour lui-même, donc il fallait vraiment l'adorer parce qu'il était, il s'estimait être évêque au-dessus de la loi. Et par conséquent, personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Lui était, par exemple, nos diocèses au Congo ont été délimités par les Européens, qui à l'époque n'avaient aucune considération pour les Africains. Donc ils arrivaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc chacun prenait le morceau de territoire qu'il trouvait bon, aussi bien les missionnaires que les colons. Donc chacun prenait son morceau de territoire sans tenir compte de ceux qui étaient là. Par conséquent, le territoire pouvait être long, par exemple, le territoire dont je parle, le diocèse qu'on appelle le diocèse de Kenge, il est long de 600 km, il va plus ou moins de la lisière de la forêt équatoriale jusque dans les hauts plateaux, vraiment tout à fait vers le sud. Ce qui fait que ces deux peuples-là, vraiment le peuple de hauts plateaux, le peuple vers de la forêt, mais ils n'ont pas de rencontres culturelles vraiment. Et alors, donc, on les a mis comme ça, c'est jusqu'aujourd'hui, cette façon c'est jusqu'aujourd'hui comme ça. Hein. Donc l'évêque là, qui était un Africain, il était justement de l'extrême, du côté de l'extrême plateau, il estimait que ceux qui étaient de l'extrême nord, du côté nord, étaient ses valets, même pas des valets, ses esclaves. Il devait lui obéir comme on l'apprenait de ses yeux. Et nous avons dit que ce n'est pas comme ça, on n'est pas prêtre ici. On n'est pas prêtre pour rendre les gens esclaves, on est prêtre pour que les gens... tu vois, la mentalité de l'esclavagiste là, que les Européens ont laissé chez nous, il y en a beaucoup qui s'en sont appropriés à leur compte et qui dupliquent sur le peuple congolais. Donc comme ça, nous sommes opposés par rapport à ça. Et alors lui m'a ciblé comme étant les meneurs et tout. Et donc alors il m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai été arrêté. Il a envoyé les militaires pour m'arrêter en pleine messe. Il m'a excommunié, plus ou moins ça. Il m'a renvoyé simplement et tout. Et donc ça a été le scandale. Et ça avait déjà à l'époque alerté l'opinion au Congo. J'étais tout jeune, mais j'étais déjà connu comme étant celui qui défend, prenait un peu la défense des plus faibles. Moi, c'est ça que j'avais voulu faire à l'époque. Et donc, ça a duré combien 4 ans de galère à l'époque, hein, déjà au Congo. Hein. J'ai dû changer de diocèse pour aller dans le diocèse de Kikwit, où il a fallu presque tout reprendre à zéro. Se mettre dans ces petits souliers parce que tu arrives dans un nouveau milieu où on t'accueillait comme quelqu'un qui était jeté, donc tu es la poubelle. Donc tu vois, tu es un peu comme ça, donc à la merci quoi de ce qu'on peut faire de toi, plus ou moins. Tu es mal vu quelque part, par l'église et tout ce petit monde-là, quoi. Tu es un peu un rebelle, quoi. Voilà, oui, ben non, mais quand même, bon, les gens étaient quand même, j'étais plutôt compatissant parce que mon cas était connu. Les gens étaient compatissants. Oui, ça j'ai compris. Mais mon cas. Voilà, mon cas. Moka, je croyais que tu vois la glace moka, ton cas. Ben, voilà, mon cas, donc pas la moka, mais mon cas était connu. Mais de toute façon, tu vois, tu te sens redevable vis-à-vis de ces gens qui t'ont accueilli, qui t'accordent l'hospitalité, tout ça. Donc tu te vois, tu es un peu... tu ne peux pas être pleinement ce que tu veux de toute façon. Donc c'est un peu ça que j'ai... Mais quand même, je me suis quand même fait connaître parce que j'ai quand même quelques talents. Et j'ai eu la chance d'organiser une radio locale. Donc voilà, et qui a bien marché, et je me suis fait connaître de cette façon-là avant de venir en Europe. Donc tu vois, mais donc quelque part, quand même, ça m'avait quand même freiné dans mon élan du départ, hein, ce qui était arrivé là. Parce que, bon, ça dit que parce que dès le départ. Mais moi, je trouve ça chouette que tu laisses pas faire. Habituellement, les gens, ils sont passifs. Justement, ils ont peur pour leur place. Oui. Je trouve ça bien, moi, ce que tu as fait là. Mais oui, tout à fait. Donc, moi, j'avais plus de place, j'avais plus rien. Donc, j'étais un indigent parmi les indigents. Je n'avais plus d'argent, je n'avais plus rien du tout. Donc, je dormais parfois même les sols. J'ai tout connu, moi. Donc, voilà. Congo alors? Ça c'est au Congo, oui, oui, au Congo. Et puis qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi tu commences à se que tu débarques par ici alors? D'abord aller en France, puis... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que je voudrais connaître un peu le monde aussi. Il ne faut pas nous confiner tout le temps en Afrique. Hein. Donc moi, je suis contre le confinement. Alors j'ai dit, bon, je vais un peu aller voir ailleurs. Hein. Ce n'était pas facile, effectivement, pour avoir les visas. Il fallait se lever à 0h pour aller devant l'ambassade de France, faire la file et tout ça, pour avoir les visas. La première fois, on m'a refusé les visas. Et puis après, il fallait continuer. Maintenant, j'ai quand même eu les visas. Mais je suis venu pour un peu apprendre les métiers de l'audiovisuel que j'avais commencé à apprendre au Congo, voir un peu comme ce que c'était en France, et puis connaître autre chose, quoi. Tu vois? Les métiers de l'audiovisuel, c'est ça? Ben oui, le métier de l'audiovisuel. Et donc, je suis venu apprendre ça en France, dans un institut catholique, un institut catéchétique. Ou plutôt ce sont des catéchistes qui viennent apprendre des métiers de l'audiovisuel. Alors nous, les Africains, j'étions quelques-uns qui étions dans cette école-là. Moi, j'étais parmi ceux-là. Donc, ça a duré une année. C'est l'avenue ACNAV, c'est tout près dans la 5e. Hein. C'est à Paris 5e, donc c'est pas n'importe où. Hein. Donc, tu vois, donc ça m'appelle le quartier latin. Là. Donc j'étais dans ce quartier latin-là. J'ai étudié pendant un an. J'ai atterri en Belgique un peu par hasard parce que je cherchais une petite radio, je pouvais faire une petite télévision, je pouvais faire mon petit stage. Et je suis tombé sur la télévision de Libramont, de Luxembourg à Libramont, télé TV Lux. Et bon, voilà comment je suis resté un an là-bas avec eux. Mais c'est sous quel statut tu es là? Tu es toujours là comme curé alors? Ben à ce moment-là, j'étais étudiant, prêtre, oui, toujours prêtre, mais étudiant. Donc tu pratiquais pas, tu étais étudiant prêtre alors. J'ai pratiqué, donc j'étais vicaire de paroisse, je disais des messes. Quand on est prêtre, on peut dire des messes hein, tout le temps, même parce qu'on soit étudiant ou n'importe quoi, on peut dire des messes. Moi, je disais des messes, d'ailleurs, j'ai demandé d'avoir une paroisse. On m'a nommé par l'ancien. C'est un évêque de Namur, là, Léonard. Il m'a nommé vicaire à Libramont. Et après, c'est lui qui m'a nommé aussi curé à Thiers, enfin pour Thiers, Amberlou, Oumont, Recheval. Ça, c'était déjà, nous sommes en 2004 par là. Ouais. Et donc raconte-nous enfin cette histoire de ton voilà comment je pourrais dire ouais tu t'es fait virer de ta paroisse quoi alors que tu étais là depuis 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pour te faire virer? Oui, ça a été c'était bon. Ce qui est réel hein, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle La mission civilisatrice au Congo. Réduire des espaces de vie en prison et en enfer, où j'explique que ce qu'on appelle mission civilisatrice, donc la colonisation qu'on prenne comme étant une mission civilisatrice, j'ai dit au Congo, à preuve à l'appui, que c'était plutôt une prison et un enfer pour la population congolaise. C'était effectivement peut-être une mission civilisatrice pour les Européens eux-mêmes, qui s'en sont donné à cœur joie, qui ont eu des revenus pour développer leur pays, la Belgique et autres. Mais pour le Congo, ce n'était pas ça. Hein. Tout ce qu'on dit ici, qu'on a construit des hôpitaux, de ceci, cela, moi j'ai démontré que ce n'était pas pour la population. D'abord, qu'ils n'avaient rien demandé de toute façon. Mais que là, c'était pour les Européens même. Alors j'ai parlé des cas des missions. Il dit ce qu'on appelle les missions, donc les lieux de vie des missionnaires, ce sont des lieux de vie des missionnaires, les missions. Ce n'est pas les lieux de vie des gens. Les lieux de vie des gens, ce sont leurs villages. Tandis que les missions, qui étaient des territoires immenses, que les missionnaires que les Européens se sont octroyés, c'était pour eux. Et les gens étaient obligés de venir là-bas chez eux. Et non pas de vivre chez eux. Donc pour que tu puisses avoir les baptêmes, pour que tu puisses aller à l'école, pour que tu puisses te faire soigner, il faut aller à la mission, il faut aller là où se trouvent les missionnaires, dans leur lieu de vie. Donc tu devais donc te soumettre à eux. C'est eux qui étaient les grands chefs. Dans ces missions-là, c'est eux qui étaient les grands chefs. Sans être chez eux, voyez, ils avaient pris le territoire des gens, ils avaient confisqué les territoires, ils avaient confisqué les pouvoirs des gens. Donc c'était accaparé de ce qui ne leur appartenait pas. C'est ça que j'ai dit dans mon livre. Entre autres, j'ai parlé aussi de la colonisation en tant que tel. J'ai montré ce qu'était le Congo avant. Avant que les missionnaires et l'homme blanc n'arrivent ? Bon, je n'aime pas beaucoup l'homme blanc, mais en fait, je préfère. Les blancs, hein. Comment tu l'appelles, toi ? Les colonisateurs, hein, parce que si on dit l'homme blanc, on met tout le monde là-dedans, mais faut, je préfère parler de ceux qui étaient là, qui étaient responsables. Parce que quand on dit l'homme blanc, c'est tout le monde qui est dedans. Hein. Donc, ouais, c'est vrai. Ça devient une forêt vierge dans laquelle tout le monde se cache, et moi, j'aime pas ça. Moi, je dis, les responsables doivent être connus et nommément et être condamnés, et non pas se cacher comme dans une forêt blanche, dans une forêt vierge. Comme ça, je dis non, ceux-là, donc je dis, parle de colonisateurs et de colons. Donc ceux-là, avant qu'eux n'arrivent, encore que tout le monde pouvait être colon, effectivement, mais quand même, il y en a qui l'ont été, d'autres qui ne l'ont pas été. Donc soyons justes. Alors, je dis que avant qu'ils n'arrivent, le Congo existait, hein, les peuples existaient, ils étaient organisés, ils avaient leur façon de vivre, ils avaient leur pouvoir, ils avaient leur économie, ils avaient tout. Au Congo ancien, il y avait même la monnaie qui s'appelait Nzimbu. Il y avait une armée, donc il y avait des provinces, il y avait des rois, il y avait tout. Donc, il y avait une organisation du pays qui existait. Et donc, comme ça, quand d'abord les Portugais arrivent au Congo, avant les Belges, c'était d'abord les Portugais et puis les Hollandais. Mais en fait, les Hollandais, c'était des Belges aussi là-dedans. Mais les Hollandais et les Portugais qui ont désorganisé complètement l'ancien empire du Congo, là, le Congo ancien, le Congo d'Inanza. Et c'est à ce moment-là que s'est instauré l'enfer au Congo depuis lors, qui a fait d'abord la prison. Le Congo d'aujourd'hui, le Congo tel que Léopold II l'a voulu, l'a dessiné. Là. Si tu vois, tu le vois sur la carte. Tu vois, c'est un carré, hein. C'est un carré en plein. Tu nous prends que le Congo, on met ça sur la carte, vraiment, c'est un carré en plein Afrique. Donc une prison où les gens vraiment sont vraiment emprisonnés. Les gens, ils ne comptaient pas, quoi. Les Africains ne comptaient pas, oui. Pini Pini, mais évidemment, moi en fait ce qui m'intéressait, parce qu'après l'histoire de l'Afrique avant le colonisateur, avant les missionnaires, ben, on sait bien qu'elle existait. Et il y a déjà, moi en fait ce qui m'interroge c'est que, ok, donc toi t'es dans ton église du côté de Libramont, ça fait 10 ans que tu y es, et pendant que tu donnes la messe, etc., toi tu écris un livre. Et c'est ce livre-là que t'es occupé à décrire, c'est-à-dire que tu as envie de rappeler, parce que c'est pas la. Enfin, on est au courant, je veux dire, moi, si on s'intéresse un peu à l'Afrique, on sait bien que les colonisateurs ont été des sales bonhommes, qu'ils ont fait des ravages, que les missionnaires ont abusé. Enfin, tu vois, on sait toute cette histoire-là. C'est pas comme si tu. Attends, c'est pas comme si tu l'as. Comme si ça faisait un choc, on le sait ça, quand on s'intéresse un peu à l'Afrique. Oui. T'es d'accord avec moi ? Oui, mais c'est le mec qui se sont tirés à bon compte, donc tu vois. Et ils ne veulent surtout pas qu'on en parle, parce que... Qui ça ? Mais les colons, les colonisateurs, les missionnaires sont toujours là, ils sont encore morts tous, hein. Ils sont toujours là. Hein. Donc le fait qu'on en parle, eux, ils préfèrent rester dans la forêt vierge, où tout le monde est pareil, il n'y a rien du tout, plutôt que de pointer les doigts pour dire voilà. Alors moi, là où j'étais, dans les paroisses où j'étais, les gens ont posé des questions. Quels gens ? Mais mes chrétiens, les chrétiens... Les gens comme, enfin les gens croyants de l'église, c'est ça ? Ou d'autres que j'ai rencontrés, hein, posaient pas mal de questions, voulaient un peu savoir comment ça se passe. Parce que vous connaissez pas notre point de vue. Vous connaissez le point de vue de ceux qui ont été là, des colonisateurs, qui sont venus, qui ont parlé. Mais notre point de vue à nous qui avons été... Moi, je n'ai pas connu la colonisation comme tel, mais mes parents, si. Mes grands-parents également, ils nous en ont parlé. Donc, notre point de vue, il n'est pas connu. Alors moi maintenant quand je donne notre point de vue, comment est-ce que ça s'est passé? Alors c'est ce point de vue-là qui n'a pas été apprécié d'abord par les colons, même parce que nous avons appris qu'il y avait un colonisateur, là, un ancien colon qui s'était plaint, qui est allé à l'évêché pour se plaindre, comment vous laissez cet homme-là parler ainsi. C'est qui ce colon ici? Il est en Belgique ou bien là-bas en Afrique? Non, il est en Belgique. Et alors, donc, il paraît que ce serait lui. Ben, il paraît, mais enfin, on le sait parce qu'il s'en est même vanté. Et là, à l'évêché, on lui a dit, écoutez, on va s'en occuper. Parce que moi, j'avais envoyé mon ouvrage, hein, quelques exemplaires à l'évêché, hein, à l'évêque. Ah ouais, comme ça, toi. Comment donc? C'est un livre, quand il est sorti. Un livre comment, t'as dit? Un livre, quand il est sorti, on ne le cache pas. Mais quoi? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Pini, ce que tu veux dire... C'est que tu es congolais et peut-être il n'y a pas d'autres livres de congolais qui ont été écrits sur la colonisation, sur le missionnaire, sur tous les abus, la violence, l'énorme tragédie et tout ça. Il y a déjà eu des écrits. Tu es d'accord avec moi? Non, je ne dis pas que c'est le premier, mais je dis quand même, mon point de vue était aussi important. Donc je ne pouvais pas m'interdire de donner mon point de vue sur cette histoire-là. Ah mais donc, ça, non, c'est pas de ça que je discute. Non, je ne dis pas de toi, je ne parle pas de toi. Donc j'ai dit pourquoi moi je l'ai écrit. Donc je l'ai écrit pour donner mon point de vue. Parce que moi j'estimais qu'à l'âge que j'avais, vu l'expérience que j'avais aussi à magasiner, il était important que je puisse écrire. C'est comme ça que j'ai écrit librement. Hein, tu vois? Donc et j'ai donné mon point de vue. Et alors, ce point de vue-là n'a pas été apprécié d'après ce que nous avons appris par des anciens colons du côté d'Arlon. Dans une commune, je ne sais plus comment on appelle la commune, là j'ai oublié maintenant, dans une petite commune à Terte, la commune de la Terte, il y en a qui n'ont pas apprécié et qui sont allés à l'évêché voir un certain monsieur qui s'appelle Huyet. Il y a un prêtre de Namur là, qui leur a dit, parce que lui c'était monsieur, il est tout puissant, il a fait le droit canon, il est ceci, cela, c'est un homme qui n'a peur de rien. Et alors il a dit, bon, comme c'était ce petit Africain là, on va s'en occuper. Et alors, comme ça, du jour au lendemain, j'ai vu une lettre dans ma boîte à lettres. Hein, quelques lignes, une dizaine de lignes, je crois, c'est un monsieur qui a signé, hein, c'est le fameux UL, Jean-Marie, qui a signé, pour dire voilà, maintenant, à partir de maintenant, casse-toi, tu n'as plus rien à faire avec nous ici, rentre chez toi, va te mettre en contact avec ton évêque de Kikwit et retourne chez toi. En fait, pour dire vraiment, retourne chez toi, on ne veut plus de toi ici, quoi. Donc, c'est comme ça du jour au lendemain. Donc, j'avais 3 mois pour me préparer à rentrer au Congo, c'était tout, quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne te donnait pas la raison, le motif de pourquoi tu devais partir. Il n'y avait pas de raison. Jamais, jusqu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de raison. Tout le monde a essayé. Il y a eu des lettres. Il y a eu des lettres, des manifestations. Il y a eu tout. Jamais. Jamais. Mais c'est, tu vois, ils sont filous. Hein. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Le filou, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve le filou, ils sont hypocrites, moi, je trouve. Mais oui, c'est-à-dire pourquoi je dis filou, parce que pour que ça puisse se retourner contre moi, pour que la suspicion puisse vraiment soit sur moi. Que parce qu'on dit parce qu'il y a les gens, bon, peut-être que. Pour que vraiment tout pour ne rien dire, et que tout retombe sur moi. Ouais, tu veux dire, comme il n'y avait pas de motif, alors les gens pouvaient se dire, ouais, c'est sûrement qu'il a fait quelque chose, voilà. Ouais. Exactement, donc c'est ça. Et les gens, finalement. Alors, nous sommes allés au tribunal, hein, et même jusqu'au tribunal, comme il n'y avait rien, ils n'ont su rien démontrer, ils n'ont su rien dire. Ben, ils ont été condamnés. Ah oui? Voilà, oui. Le fichier de Namur a été condamné par le tribunal de première instance à Namur, qui les a condamnés. Et condamnés à quoi alors? Ben, ils ont été condamnés pour ce pas parce que mon renvoi n'a pas été correct. Mon renvoi est illégal. Oui, mais qu'est-ce qui se passe alors si le renvoi est illégal? Ça veut dire quoi? Que tu peux rester quand même dans l'église, quoi? Ils doivent payer des dédommagements? Ils doivent payer des dédommagements, seulement que la juge n'a pas demandé qu'ils puissent. Nous avions demandé 200 000 euros de dédommagement, de dommages et intérêts. Lui n'a pas suivi ça. Il a même rabaissé jusqu'à 2 000, quelque chose comme ça, des euros. Alors, là, avec l'avocat, on a dit que non, il faudra que. On fait appel, je crois qu'on fait appel par rapport à ça, parce qu'il faut qu'ils payent. Ils ont été condamnés formellement, doivent payer des dommages, doivent dédommager, donc c'est comme ça. Donc c'est pour dire quand même qu'ils ont été condamnés jusqu'au bout, ils n'ont jamais dit, mais la raison est celle-là. Et parce qu'ils l'ont dit à plusieurs personnes, comme je t'ai dit, ce monsieur-là de la Terre, il a parlé. Et puis, mon fameux évêque de Kikwit est venu, est allé voir le Huyet, le Jean-Marie, qui lui a dit que c'était pour mon livre. Il lui a dit clairement. L'évêque, là, il n'a pas menti, il est venu quand même, il me l'a dit aussi. Hein, donc, il n'a pas menti. Mais seulement que, publiquement, c'est le silence radio, on ne dit rien, simplement, il sait. Donc il y a des mois que moi je savais. Moi je dis, je ne sais pas, parce qu'ils ne m'ont jamais appelé. On n'a jamais même parlé pour échanger, rien du tout. Je devais savoir comment. Je devais le savoir comme ça, voilà, il sait. Je ne sais rien. Tu devais le savoir, quand tu dis il devait le savoir, c'est toi que tu parles, c'est toi le il. Oui, c'est ça, oui, donc je devais le savoir comment. Oui, mais ce qui est intéressant alors dans cette histoire, c'est que quand même la justice a pris position et t'a défendu, quoi. Ah, oui, tout à fait, mais la justice a été de mon côté parce que... C'est étonnant, ça. Ah, ben, oui, mais c'est moi qui me suis plaint. Moi, je me suis plaint à la justice, pas qu'il y a vraiment la justice. Hein. Oui, mais des fois, la justice, elle fait des petits coups en douce, en dessous de la table, tu vois, on va quand même s'arranger. Là, donc, ouais, c'est bien, ça fait plaisir à entendre quand même, quoi. Tout à fait, ça fait plaisir, oui, ça fait plaisir, absolument. Mais toi, par exemple, dans le bouquin, rappelle le titre. La mission civilisatrice au Congo, réduire des espaces de vie en prison et en enfer. Donc, tu écris ce livre, ça met combien de temps d'écrire ce livre? Ah ben, écrire un livre, ça a pris, je crois, 3-4 ans. 3-4 ans pour écrire ce livre-là. Parce qu'il faut faire des recherches, il faut lire beaucoup. Ben ouais. Et trouver des livres, parfois c'est pas facile. Commander des livres, les lire et tout ça. Rédiger, faire corriger, etc., etc. Ça prend du temps. Oui, surtout que tu racontes dans ce livre, bah, tu es censé raconter des choses vraies qui se sont déroulées, mais qui ne sont pas dites sur la place publique. C'est plutôt des choses qui sont un peu cachées, donc j'imagine qu'il faut, prendre le temps de faire de la recherche et tout ça. Ok ? Donc tu écris ce livre, ça prend 3-4 ans. Et puis quoi, t'en parles à ton évêque un jour, tu l'appelles, tu dis « Tiens, j'ai quelque chose à vous montrer ». Tu croyais quoi ? Que... Il allait l'entendre, le recevoir, qu'il allait trouver ça bien. T'as jamais imaginé qu'il allait prendre mal Non, moi je pensais pas que. Je pensais que c'était quelqu'un d'instruit et qui lit. Donc s'il lit d'autres livres, pourquoi ne lirait pas ces livres? Moi je trouvais qu'il serait content de voir qu'il y a parmi les prêtres, il y a des prêtres qui écrivent des livres. Donc, qu'on ne perd pas son temps en paroisse simplement à boire du vin, mais qu'on travaille, qu'il y en a qui travaillent. Donc, moi, je pensais qu'il serait content et trouver qu'il allait même me féliciter. Mais bon, voilà, ça n'a pas été le cas et c'est comme ça. Mais quoi, tu as été surpris, ça t'a fait peur, tu t'es dit « Ouh là, je vais arrêter le combat, ouh là, je dois partir d'ici, j'ai 3 mois pour le faire. » Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, ça m'a pas fait peur du tout. Non, je me suis dit la Belgique n'appartient pas à quelqu'un, hein, n'appartient pas à un évêque, donc ou à son petit monde là de l'évêché. Hein. Donc ils se sont trompés. Moi j'ai dit je reste ici et je continue le combat parce qu'il y a des voilà. Donc je défends les petits. Les gens m'ont défendu. Normalement. Les gens qui venaient à l'église et tout ça. Et d'autres aussi. M'ont défendu aussi bien là-bas dans la commune que d'ailleurs. J'ai reçu de nombreux messages de par le monde. Il y a eu de nombreuses lettres qui ont été adressées à l'évêché. Il y a eu même une marche devant l'évêché de Namur. Donc, moi j'étais plutôt bien défendu et je ne voyais pas, je ne vois pas de raison pour arrêter le combat. Je sais que ce ne serait pas facile. Je savais que ce ne serait pas facile. C'est ce qu'ils ont toujours cherché. Enfin, en fait, ce qu'ils ont voulu, c'est que je n'ai plus de moyens de subsistance. C'était ça. Donc, si je n'ai plus de moyens de subsistance, je ne veux plus écrire, je vais être réduit à néant, quoi. Donc, c'était plutôt ça, mais bon. Mais comment t'es retombé sur tes pattes et tout? T'as dû quand même partir de l'église ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai dû partir de là. Les gens ne voulaient pas que en fait, les chrétiens ne voulaient pas que je parte parce que quand ils m'ont fait partir de là, ils n'ont pas, pour dire que vraiment c'est moi qui le visais, il n'y a plus eu de successeur. En fait, dans leur tête, c'était on arrête avec, il n'y aura plus personne, on nommera quelqu'un pour desservir les paroisses. Oh, les gens ont dit que c'était injuste. On devait quand même mener un travail pendant 10 ans. On a consolidé un grand travail pastoral là-bas. On ne pouvait pas du jour au lendemain considérer comme c'était rien. Donc, tu vois, ces gens qui habitent à Namur, là, pour eux, ce qui se fait, c'était rien. Non, les gens ont dit non. Comme il n'y a personne pour te remplacer, et puis nous ne voyons pas ce que tu as fait pour qu'on puisse partir, tu restes. Hein? Donc, moi, je vais même emballer mes affaires, ils sont venus, ils ont dit non, tu déballes tout. Ah ouais, donc, tu vois, qui était vraiment ému par rapport à ça. Et alors je suis resté un mois supplémentaire parce qu'il n'y avait toujours personne. Ils sont mariés, il y a eu quelqu'un. En fait, ils ont, comme je dis, ils sont de filous. Ils sont allés chercher un prêtre congolais qui était très loin du côté, je ne sais pas quelle province, de Namur par là, pour l'amener jusque là, pour que entre Congolais qu'on se batte en fait. Bon, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je vais les laisser, et que lui venait aussi comme un soumis de ces évêques de l'évêché là. Il n'a pas été solidaire de toi? Oh, du tout. Vraiment, il est venu en soumission complète. Hein. Pas du tout, hein. Au contraire, pour lui, j'étais... oui, pas du tout. Donc, je peux te raconter des choses. Enfin, je ne voudrais pas l'accabler, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, moi, quand il est arrivé, quand même, je l'ai bien accueilli. Je lui ai laissé la paroisse. J'ai dit, voilà, la paroisse, elle marche. Tout va bien, tu as une bonne équipe, je lui ai même laissé les finances, clairement, ce que j'avais dans la caisse, je lui ai laissé tout. Je lui ai même laissé certains de mes effets personnels, comme je venais habiter dans un petit duplex, je n'avais pas besoin de tout ça. Je lui ai laissé mes effets, les chambres, les frigos et tout ça, je lui ai laissé. Hein. Donc il avait besoin, mais malgré tout ce qu'il a fait contre moi, mais ça, je dis c'est pas grave. Hein. Donc alors de là, donc je suis allé à Bruxelles. Alors quand j'arrive à Bruxelles, et c'est là où la marmite déborde. J'arrive à Bruxelles grâce à un prêtre ami m'a dit qu'il y avait un logement que je pouvais occuper. Je suis allé trouver ces gens-là, j'ai eu le logement. Et alors, l'évêque de Bruxelles, parce que tu sais, à Bruxelles, il y a des évêques aussi, il y a un évêque à Bruxelles, l'évêque de Bruxelles, quand il apprend que je suis là, pour être solidaire avec ses amis de Namur, il m'écrit que je ne devais pas. Mais je n'avais pas dit de messe à Bruxelles, pas de donner de baptême, pas de donner les premières communions, etc., pas de mariage. Donc, enfin, il m'interdit d'exercer la prêtrise dans Bruxelles, encore une fois, sans avoir pris la peine de me rencontrer. Je venais d'arriver. C'était un évêque qui ne me connaissait pas du tout. Il avait bien appris mon histoire, il pouvait m'appeler. Même pour me dire verbalement, voilà, ceci et ça et ça et ça, raconte rien du tout. Donc, lettre m'a écrit. J'ai dit, dans ce cas-là, restez avec votre église. Hein. Moi, j'ai autre chose à faire que de rester avec des gens pour qui la personne humaine n'a aucune valeur. Quoi. Une signation que leur pouvoir est, qui a. J'ai dit non. Si c'est ça, l'église, moi j'ai toujours pensé à autre chose. Si c'est ça, je vais faire mon église. Mon église maintenant, c'est quoi? C'est écrire, c'est parler, c'est donner des conférences, c'est essayer de sensibiliser les gens par rapport aux problèmes dans lesquels notre monde est confronté, comme on disait ici tout à l'heure, que notre monde aujourd'hui, c'est un monde où on ne veut que la pensée unique, on ne veut pas détenir, c'est l'intolérance complète. Il dit non, il faudra que le monde revienne, le monde tel qu'il a été, avec toute la variété, avec toute la diversité qui fait notre monde, qui fait la beauté du monde. Notre monde, c'est l'arc-en-ciel. Nos ancêtres africains, ils ont pris l'arc-en-ciel comme image de notre société. Donc l'arc-en-ciel chez nous, qu'on appelle un Congo Lola, c'est vraiment l'image. Donc c'est ça le monde. Et moi, je voudrais contribuer à ce que le monde puisse être celui-là. Moi, je refuse ce monde ici de la pensée unique, le monde de la moule, où tout le monde doit avoir même taille, même grosseur, on doit parler la même langue, on doit voir la même chose. Non, il y a plusieurs langues dans le monde, elles sont belles. Toutes les langues se valent, hein, et tous les hommes se valent également, et tous les pays parlent parfaitement. Moi, je milite pour que l'Europe et l'Afrique se rencontrent, plutôt que de mettre le Frontex là, plutôt que de renvoyer les Africains chez eux avec des fusils, mais qu'on construise des ponts, qu'on construise des tunnels, parce que entre l'Europe et l'Afrique, la distance entre l'Europe et l'Afrique, elle est moitié plus petite que la distance entre l'Europe continentale et l'Angleterre où on a construit un tunnel. Là, c'est 30 km, tandis qu'entre l'Afrique et l'Europe, c'est 13 km. Donc, il y a quand même moyen de construire un pont, de construire un tunnel, plutôt que de vouloir mettre les Africains, de les renvoyer dans leur prison. Ça ne va pas. Le monde a toujours... La Méditerranée a été une mer commune. C'était le foyer des civilisations. C'est là que beaucoup de choses se sont passées. Alors pourquoi maintenant les Africains doivent être exclus de ce foyer-là commun? De toute façon, ce n'est pas juste. Donc pour cela, moi je milite. Et je reste ici pour militer par rapport à cela. Peut-être que moi je ne verrai pas ça, mais je voudrais bien que je crois que ceux qui viendront peut-être, ou grâce à mon combat, que plus tard qu'il y aura quand même cette rencontre-là. On ne voit pas que les blancs et les noirs ne vont pas être ce qu'ils sont maintenant, deux races opposées à mort. Ce sont deux groupes de personnes qui sont là pour vivre et chacun doit vivre, on peut vivre ensemble. Et moi je dis, mon rêve est que quelqu'un puisse quitter ici, puisse quitter l'Europe, prendre le train, aller jusqu'à Dakar, le même jour acheter des bananes, acheter des ananas là-bas pour lui et revenir avec chez lui à la maison. Et pas nécessairement passer dans les supermarchés pour acheter des petits ananas mis dans des conditionnements, on sait lesquels, que les gens aient état de maladie. À cause de... Non, nous avons... Pourquoi on doit privilégier les ananas qui viennent de l'Amérique latine alors qu'il y en a en Afrique plus proche ici, tu vois? Donc, mon souci est celui-là. Et maintenant, mon combat est celui-là. Ce n'est pas un combat... C'est un combat d'ananas ? De vie d'ensemble. Un combat de vie d'ensemble. Parce que ton exemple d'ananas, je veux dire... Déjà, aller chercher l'ananas du point de vue de se bouger, tu vois. Tu vas comment ? À vélo, à pied, en voiture, enfin, tu vois. Je parlais des trains, qu'il y ait des trains qui relient l'Europe à l'Afrique, pourquoi pas. Donc c'est vrai. Des trains réguliers, journaliers, on peut aller et revenir. Hein. Pourquoi entre l'Afrique et l'Europe, ça doit être que les fusils? Pourquoi que les fusils, on doit tirer sur les gens? Pourquoi? Et que les jeunes doivent mourir tous les jours, il y a des morts dans la Méditerranée, là, tous les jours, pourquoi? Ça, c'est un non-sens pour notre monde aujourd'hui. Alors que l'Europe est liée à l'Asie, l'Europe est liée à l'Angleterre, l'Europe est liée au Danemark. Pourquoi pas l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour qu'on ne puisse pas penser que l'Afrique doit être vraiment rejetée? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Et alors qu'elle fournit plein de matières à l'Europe? Hein, c'est quand même fou ça aussi. C'est ça. Donc plutôt que de mettre des bases militaires en Afrique, mais construisons le monde. Donc construisons des routes, construisons moi je préfère plutôt même des chemins de fer, construisons des ponts, construisons des tunnels entre l'Afrique et l'Europe, que ça soit une terre unie. Tu sais que entre l'Afrique était unie à l'Asie, hein, par l'Égypte là, l'estime de Suez là, c'était relié, mais les Européens ils ont creusé un canal, le canal de Suez, dans leur propre intérêt. J'ai dit mais pourquoi exclure l'Afrique? L'Afrique qui bénéficiait de cette liaison là naturelle, aujourd'hui elle est coupée purement et simplement de l'Asie et sans aucune compensation. Je dis, ça, ce n'est pas normal, il faudrait qu'il y ait une compensation. Je voudrais bien que l'Europe a besoin d'un canal, d'accord, mais l'Afrique a aussi besoin de commercer d'une façon digne avec l'Asie. On peut construire un pont, on peut construire un tunnel, on peut considérer l'Afrique comme si c'était une terre de nos hommes. Les Africains sont des hommes, ils ont droit à la vie, hein, comme tout le monde. Hein. Mais tout ce qu'on parle là, c'est tellement vrai que le peuple africain, les peuples africains, tu vois, c'est comme s'ils continuaient, ben c'est pas con, ils continuent, tu vois, à avoir le statut d'esclave comme ça. Il faut des gens pour lesquels on s'en fout, pour lesquels ça ne prend. Enfin, tu vois, c'est quand même hallucinant que les peuples africains ne se prennent pas en main, il n'y ait pas une réelle volonté politique de faire ensemble pour être fort. Enfin, tu vois, c'est quand même énorme, quoi. Voilà. Enfin, moi, par exemple, je serais africaine. Oh là là, je l'aurais mauvaise. Hein. Je l'aurais mauvaise parce que mes ancêtres auraient sûrement subi l'esclavage. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je l'aurais mauvaise. Et en même temps, on ne peut pas continuer éternellement à se faire la guerre. À un moment donné... Mais c'est comme si... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est comme si... toi, tu dis que tu n'aimes pas qu'on appelle l'homme blanc. Évidemment, il y a des hommes blancs qui sont gentils, qui sont sympathiques. Mais c'est comme si l'Occident, on va dire ça comme ça, elle devait reconnaître tout le mal qu'elle avait fait aussi, tu vois. Et on n'en est pas encore là. C'est comme si l'Occident disait « Oui, c'est bon, on a merdé, entre guillemets, on a merdé, c'est vrai, mais on passe à autre chose, on vous a aussi donné des bonnes choses. » Tu vois ce que je veux dire? On vous a amené... Moi, je ne suis pas pour ce discours-là, tu vois. Moi, je suis pour le fait que l'Occident doit profondément faire quelque chose d'énorme pour qu'il n'y ait pas la guerre, quoi, un truc comme ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais moi, je ne parle pas... Même pas de ça, moi j'ai dit, je parle des choses plutôt plus concrètes. J'ai dit simplement que c'est dans les bénéfices de tout le monde, de l'Afrique, effectivement, que l'Afrique soit réintégrée dans le Conseil des Nations, qu'on ne l'exclue pas. Oui, mais tu vois bien que ce n'est pas le cas. Et tu vois, enfin, après... J'ai dit que l'Europe fait tout pour exclure l'Afrique du cercle des nations, du vrai cercle des nations. Or, ce n'est pas correct. C'est pas correct. Donc, l'Afrique, ça dépend. Ça dépend que de l'Europe, parce qu'elle a pris tout le pouvoir sur l'Afrique. L'Europe a pris tout le pouvoir sur l'Afrique, hein, donc sur le peuple africain. Donc, je vous dirais que c'est à elle de faire en sorte que l'Afrique revienne. Et elle a intérêt à ce que l'Afrique revienne dans le Conseil des Nations en tant que nation. Donc, que l'Afrique ne soit pas exclue, que l'Afrique ne soit pas tenue comme un cas à part dont on doit s'occuper, comme un petit cas à part. Non, l'Afrique, c'est une terre des hommes, c'est la terre première. Tu sais, l'Occident, c'est pas l'Europe, hein. L'Occident, c'est l'Afrique, le véritable Occident, c'est l'Afrique. Parce que qui dit Occident dit soleil, c'est là où le soleil se couche. Où le soleil se couche-t-il mieux qu'en Afrique? Donc, c'est pour les anciens, grecs notamment. L'Occident, c'était l'Afrique. Donc c'est eux qui ont donné ce nom-là, dans les Midi, là où le soleil se couche, la terre de la création, la terre qui a suscité l'humanité, mais c'est l'Afrique. Donc les Européens, ils ont pris, quand ça disait l'Occident, ils prennent la place de l'Afrique même, de dire la terre première. Non, l'Europe n'est pas la terre première. L'Europe n'a même pas émergé, c'est parmi les dernières terres à émerger. Elle ne peut pas devenir première et à la place de la terre première. La terre première, c'est l'Afrique. Et elle doit être respectée. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que si aujourd'hui, on va liquider les peuples africains, comme ça, c'est là en train de se faire voir, mais c'est le monde qui va être liquidé. Hein. Donc, je dis, nous avons intérêt à ce que notre monde retrouve ces équilibres d'antan qui ont toujours fait le monde. Et les peuples africains. Et ça, c'est mon second livre, en fait, dont je te parle là. Donc, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est mon second livre que j'ai écrit, qui est paru il y a au mois de mars. Il s'appelle Croisade au pluriel de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale. Et moi, je voudrais, par ce livre, j'interpelle l'élite dirigeante européenne à se saisir pour ne plus continuer ce qu'elle fait. Mais parce que c'est l'Europe dirigeante qui veut ça. Qui veut cette séparation nette, cet emprisonnement des Africains et tout cela. Donc c'est à eux doivent se ressaisir pour que cela s'arrête, que cela cesse et que les Africains vivent une vie normale. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, je viens là du Cameroun, j'ai été à Douala, mais bah, Douala c'est l'enfer. Hein. Donc c'est vraiment la vie seconde, là, la vie seconde. Mais tu vas voir comment les gens, ne fût-ce que les gens déjà circulent, c'est incroyable. Or, les gens se reculent. La circulation dans la ville. Hein, c'est la mort en permanence. Et on m'a dit d'ailleurs que les accidents, parce que là c'est devenu la moto qui est devenu le moyen de déplacement le plus utilisé. Donc tu t'imagines, les gens sont sur, à 3, à 4 sur une moto, mais ça ne va pas, j'ai dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et il faudrait que ces choses-là s'arrêtent. Hein. Donc pourquoi ? Attends Pini, parce que là je t'arrête. Je veux dire, l'Afrique n'est pas obligée de vivre non plus comme l'Occident. Hein. Je veux dire, on peut aussi vivre, tu vois, je veux dire, le modèle n'est pas forcément occidental non plus, quoi. Tu comprends l'histoire de la moto, pourquoi pas les gens à plusieurs sur une moto Oui, mais ça veut dire que oui, on peut être à plusieurs sur une moto. On peut être, mais une moto, c'est fait pour deux personnes. À moins de faire des motos pour quatre, pour cinq. Mais là, ce sont des motos pour deux personnes où ils sont à quatre. Donc, tu vois, si on invente des motos où on peut être à quatre à son aise, pourquoi pas? Mais il ne faudrait pas que ce soit des motos qu'on utilise ici à une personne, que là, on doit utiliser. Passe à l'Afrique, on peut utiliser à trois ou à quatre. Mais c'est comme en Inde, je suis allée en Inde, j'ai vu beaucoup d'hommes sur les qui conduisaient les motos, pas de femmes, les femmes elles sont plutôt à l'intérieur. Mais par contre, les femmes elles sont assises, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas conduire une moto, mais elles sont assises en Amazon sur les motos. Tu verrais quelqu'un ici assis en Amazon? Enfin moi je trouvais ça génial justement cette différence. Par contre, j'entends bien qu'il faut la sécurité des gens, que ça ne doit pas être la mort à chaque coin de rue, évidemment. Mais moi, j'aime bien la diversité. Je n'ai pas forcément envie que chacun vive... Attends. Oui, c'est-à-dire, ce qui se fait là, c'est que les gens sont contraints de vivre ainsi. Donc, il ne faut pas que ça soit par contrainte. Il faudrait que ça soit quelque chose de qu'on essaie. C'est une inventivité, oui. Mais si on est contraint de vivre ainsi, c'est une petite vie. On met une petite vie parce qu'on est contraint de vivre ainsi, tu vas faire autrement. Alors là, ça ne va pas. Donc, si les gens prennent cela volontairement, que nous voulons ce mode de vie-là, mais pour cela, pour que cela arrive, il faut qu'il y ait un véritable dirigeant en Afrique. Donc, c'est là le problème. Parce que les dirigeants africains sont imposés par l'Europe dirigeante. Donc, il faudrait que l'Europe dirigeante laisse du lest pour qu'il y ait de véritables dirigeants, ce que la population veut. À ce moment-là, le génie africain, effectivement, va se mettre en place. Mais là, ce n'est pas le génie africain, là, c'est plutôt la peuple qui est fait. Mais il y a un véritable génie africain dont le monde pourra se servir. Et ça sera tout à fait autre chose qui va arriver. Et nous voulons bien que cela arrive aussi, que cela pourra arriver. Mais il faudrait qu'il y ait les véritables dirigeants africains, qu'on cesse avec ces dirigeants imposés qui sont là pour massacrer des gens. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est chouette que les peuples gardent leur identité, tu vois, leur personnalité, leurs différences. Par contre, c'est vrai qu'en Afrique, ils pourraient avoir une politique beaucoup plus forte, beaucoup plus intelligente pour que les peuples puissent vivre en harmonie et se prennent en main. On est d'accord avec ça, tu vois, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Tout à fait, mais donc les gens ne veulent que ça, hein, les gens ne demandent que ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que le peuple africain soit autrement que les autres peuples dans le monde. Ils sont comme tout le monde. Hein. Donc ils ont l'intelligence suffisante, ils ont les richesses suffisantes, ils ont le génie suffisant pour améliorer leur vie, que ça puisse être une vie qui soit correcte. Donc c'est ce qu'on demande. Donc mais cela, je dis pour cela, il faudra que les dirigeants, l'Europe dirigeante puisse lâcher un peu de l'Est, qu'elle laisse les Africains s'organiser, avoir des dirigeants qu'ils veulent et non pas des dirigeants imposés par toutes ces bases militaires là qui sont là pour imposer des dirigeants, ça ne va pas. Donc c'est ça que... C'est ça un peu alors ton combat, tes livres, d'aller chercher un peu la vérité, les choses qu'on dit pas tout haut, de les replacer sur la table. C'est ça ton combat aujourd'hui? Exactement. Mon combat est vraiment de rapprocher. Moi, je souhaite que notre génération d'aujourd'hui, que nous ne puissions pas laisser à ceux qui vont venir après nous ce monde divisé, ce monde presque en perdition, que nous puissions réparer ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés et par nous-mêmes aujourd'hui, que nous puissions les réparer et laisser un monde qui soit un monde agréable à ceux qui vont venir après nous. C'est ça mon combat. Aussi bien ici en Europe qu'en Afrique. Et il faudrait que les deux peuples qui sont si proches des voisins, qui ne puissent pas vivre comme maintenant, comme des ennemis, qui ne se voient que quand on veut aller faire un peu de tourisme, soi-disant on veut aller faire de l'humanitaire, on peut aller en Afrique et non pas aller chez des personnes humaines, qu'on doit arrêter avec toutes ces affaires-là, des humanitaires et tout le reste, qu'on laisse les Africains s'organiser. On n'a pas besoin d'être des humanitaires, on a besoin d'être des humains, des hommes. Voilà. Bien dit, mais c'est vrai que quand ils pensent toute l'Afrique, tous les gens qui travaillent pour l'Occident, hein, pour les téléphones portables, pour les, tu vois tout ce que je sais, les pauvres quoi, tu vois, ils sont pendant que nous on est là tranquillou, eux, ils grattent la terre pour aller chercher. Donc faut que les gens sachent hein, que. Moi, je dis, les gens, bon, je dis peut-être les gens, c'est pas de la faute, mais je dis que ceux qui sont ça en amont, ce sont les dirigeants. Les dirigeants, ils le font exprès, ils savent ça. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Que les gens puissent avoir des téléphones portables, pourquoi pas? Mais est-ce que ce téléphone portable puisse être la source de la misère ou de la mort pour des millions d'enfants? Là, ça ne va pas. Donc il faudrait que les dirigeants puissent se résumer, les dirigeants doivent se ressaisir. Quand je dis dirigeants, je dis c'est tous ceux qui dirigent et tous ceux qui sont potentiellement en train de diriger, que ce soit les professeurs d'université, que ce soit les politiques comme on dit, que ce soit les hommes d'église, que ce soit tout ce monde-là, ce sont cet ensemble des dirigeants qui doivent se ressaisir pour que le monde puisse aller autrement, et l'Afrique surtout. Ouais, et puis surtout, ça fait un business colossal et les gens, ils veulent même pas aller se renseigner. Oui, on est vraiment dans un monde d'argent, tu vois. Si on cessait tout ça avec l'Afrique, tout ce business, tout cet esclavagisme, t'imagines les enjeux financiers, c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est l'argent pour l'argent. Et donc, voilà. Mais toi, aujourd'hui, Pini, on pourrait terminer aussi là-dessus cette émission, mais tu es toujours un homme d'église, alors comment ça se passe? Bon, moi je ne suis pas un homme dans la boîte de l'église maintenant. Je suis sorti de la boîte, cette boîte-là, de cette prison-là. Je dis que je suis un homme. Mon église maintenant, c'est une toute autre église. C'est l'église monde, tu vois. L'église monde ou le monde église, hein, si tu veux. Le monde de tout le monde, où on peut rencontrer des gens dans ce qu'ils sont, dans leur quotidien, pour essayer de faire un autre monde ensemble. Mais je ne veux plus de cette église là où on est monolithique, on est enfermé et on doit obéir à quelqu'un parce qu'il est infaillible, soi-disant. Moi je suis 100% contre cette histoire de l'infaillibilité, tout ça n'a aucun sens. On est tous des hommes, il n'y en a pas qui sont au-dessus des autres, il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse être au-dessus de qui que ce soit parce qu'il serait... il n'y a pas de Dieu au-dessus de nous. Tous les hommes, nous sommes divins, c'est-à-dire nous participons à la divinité. Il n'y en a pas un qui est plus divin qu'un autre. Donc c'est une façon de... une façon d'avoir le pouvoir sur les gens et qui tue notre monde. Donc moi, je suis 100% contre ça. Donc tu es libre, tu es libéré de l'église, quoi. De cette église-là, oui, je suis libéré. Je suis libéré de cette église-là. Maintenant j'ai une toute autre église, la vraie. Celle des hommes et de tous les hommes. Voilà. Des femmes aussi, je rigole. Hein. Mais tout à fait. Donc quand je parle... Les hommes et des femmes. Quand je parle homme, ça veut dire homme et femme, oui, homme et femme. Homme et femme. Ben, merci Pini, et franchement, je suis avec toi dans ce combat. C'est génial, continue. Je t'en prie.